Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 19th June 2021. Today you can hear a track by Dr. Groove Gang called Reality. Bring the lights down! Bring the lights down! We gotta do something real serious. If you have a lighter in your pocket, light it up. All the way in the back, from the back, the side, to the front. Bring the lights down, down with your lights. Word up. All the lighters, light them up. This is for a very good reason. I want to see everybody do it. If you got a lighter, light it up. Let's see it. Okay, the right side is better. The left side, fill it up. Fill up the middle. In the middle. In the back. Way in the back. Come on, y'all. Simplement être et ne plus paraître. Donner à fond pour ce qui nous semble bon avant de disparaître. Apprendre à se connaître, libérer les lettres, rester l'élève avec une reconnaissance infinie envers ses maîtres. Apprendre puis transmettre la mondialisation, cette nouvelle forme de communication via internet, par voix orale, écrite ou picturale. Mes sentiments restent honnêtes, y'a trop de fenêtres, trop de regards semblant perdus dans la rue ou derrière les fenêtres. Mon esprit s'en imprègne pour mieux renaître, tous des miroirs me renvoyant ma propre histoire, mon état d'être. Je travaille, bosse le truc à fond vu que ma manière de faire est loin d'être parfaite. J'ai de la compassion pour ceux qui souffrent sur cette planète. J'aime tant les couleurs de cette palette. Toujours pas d'unité, donc comment voulez-vous que j'arrête? Comment voulez-vous qu'on arrête? C'est comme une évidence, une philosophie de vie. Là où la réflexion commence et se termine l'idiotie. Un sens qui dissocie le bien du mal, le vrai du faux et tout ce qui s'ensuit. Comment se fait-il qu'il n'ait toujours pas compris? Ce n'est pas pour la gloire mais pour l'unité compris. Les mots compriment pour que la raison prime. Docteur Groove confirme sans proposer de continuer. On continue d'avancer malgré les pièges tendus. Un malaise est immiscé et réalise l'étendue. Et bien entendu, un cri à l'aide est prononcé, mais dis-moi l'entendu. Individualité au bord de l'incivilité, triste réalité. Relativiser plutôt que de rivaliser, utopie pénalisée, dévalisée. Traverser comme Jimmy Cliff, devoir avancer contre courant en évitant les récifs. Tant de coups de pagaie à donner, certains sont décisifs. Maintenir le cap au gré des tempêtes, rester positif. La vie est un long fleuve, loin d'être tranquille. Infesté de crocodiles, piranhas, requins et autres reptiles. Prêt à t'étouffer comme un boa, ils te voient docile. Garde la tête haute pour pas être un chien dans leur jeu de quilles. Anonyme au milieu de cette faune hostile, le cœur froid. Si tes poches sont vides, ton nom c'est personne comme Terence Hill. Puis pas si ta vie défile. Te pile pas, défile pas, et méfie-toi de ceux qui bossent pour le dévil. Sans l'esprit, le corps n'est que cause vide inutile. Un athlète sans cervelle est voué à devenir servile. Taillé dans cette jungle débroussaillé comme un coup de machette. Avancer sans avoir à marcher sur d'autres têtes. Rester honnête envers soi-même, premier précepte. Pour que l'amour de l'humanité dans les yeux se reflète, faut qu'on puisse briller comme les étoiles et partager la recette. Renvoyer la lumière comme une boule à facettes. C'est comme une évidence, une philosophie de vie. Là où la réflexion commence et se termine l'idiotie. Un sens qui dissocie le bien du mal, le vrai du faux et tout ce qui s'ensuit. Comment se fait-il qu'il n'ait toujours pas compris? Ce n'est pas pour la gloire mais pour l'unité compris. Les mots compriment pour que la raison prime. Docteur Groove confirme sans proposer de continuer. On continue d'avancer malgré les pièges tendus. Un malaise s'est immiscé et réalise l'étendue. Hein? Triste réalité. That was Reality by Dr. Groove Gang. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net. facebook.com/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2021-06-19. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.